Alors, point numéro 11 ou point numéro 12. Point numéro 11 et 12 dans ce podcast. Point numéro 11 qui est l'optimisation continue. Point numéro 12 qui est la conformité aux règles d'Amazon. Pas trop de discours. Il n'y a pas trop à discours ici parce que en vrai, on allait finir avec les ventes, les statistiques, tout le reste, c'est des extras. Par rapport à l'optimisation continue ici, on va tout simplement comprendre l'importance de la surveillance et de l'optimisation constante de votre programme d'e-commerce. Pourquoi vous devez en fait suivre vos statistiques et pourquoi vous devez être tout le temps en train de chercher à améliorer tout ça. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas, pourquoi vous devez l'améliorer. Donc c'est un peu ça que nous allons aborder durant le point numéro 10. Donc vous savez, lorsque vous suivez en fait. Bon, la surveillance vous permet vraiment de savoir quel lien fonctionne bien. D'abord, ça commence par là. Quand vous suivez, vous savez, ah, tel produit là marche bien. Mais lorsque vous ne suivez pas, vous ne pouvez pas savoir, genre, qu'est-ce qui marche de ce qui ne marche pas. Premier truc. Et le second truc, c'est quels sont les liens des produits que j'ai lancés, par exemple, qui ne sont pas en train de marcher comme je veux, qui ont besoin d'amélioration. Par exemple, vous remarquez que les liens dans vos articles de blog génèrent plus de ventes que sur les bannières publicitaires, par exemple, genre de votre site. Là, maintenant, vous savez en fait où concentrer en fait vos efforts. Vous savez ce qui vous génère plus de ventes. Et donc, maintenant, il faut maintenant l'associer à une autre chose, pardon, qui a marché, ou bien qui marche. Et donc, nous allons procéder en fait par les tests A et B. Les tests A et B, en fait, ils consistent en fait à comparer deux versions d'une page ou bien d'un élément pour déterminer en fait laquelle convertit le mieux. Tout simplement. Par exemple, vous effectuez un test A et B en modifiant les couleurs du bouton acheter maintenant sur une page produit et vous constatez une augmentation significative des ventes avec la nouvelle couleur. Là, un test A contre un test P, on se rend compte que forcément il y a une option parmi les deux qui marche mieux. Et puis on va prendre l'option qui marche le mieux. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport en fait à l'optimisation continue. Maintenant, par rapport maintenant aux règles, aux conformités d'Amazon, vous devez vous assurer de la conformité en fait avec les politiques d'affiliation. Genre pour vraiment maintenir votre statut d'affilié en règle parce que ils vont vous fermer lorsque vous allez faire des erreurs bêtes ou bien des trucs, vous allez dire ah, moi je savais pas que non. Donc c'est pour ça il faut vraiment prendre connaissance du règlement des conditions et tout. Donc vraiment il faut vous familiariser en fait avec les règles là et les politiques du programme. Vous pouvez les lire quand même, c'est disponible sur internet. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous connaissez en fait les politiques d'Amazon, vous évitez en fait les pratiques interdites. Voilà, genre, les pratiques interdites qui vont vous entraîner à la suspension de votre compte et tout. Vous voyez, c'est vraiment dommage d'assister à ça. Et donc, si vous apprenez par exemple qu'il est interdit de cliquer sur, genre, sur votre propre lien affilié, vous évitez donc de le faire pour ne pas violer les règles. Vous comprenez? Par exemple, lorsque vous évitez de publier des liens d'affiliés, j'en suis des sites web pour adultes, ce qui est contraire aux politiques d'Amazon. Par exemple, je vous explique. Hein. Lorsque vous respectez les règles, ça vous permet vraiment de maintenir une relation positive en fait avec Amazon. Là, vous n'avez pas de problème avec eux. Ça vous permet aussi genre, de protéger vos commissions parce que si vous n'avez pas de problème avec eux, vos commissions, vos revenus, ça va couler naturellement. Et donc, si vous, genre, vous évitez de publier des liens affiliés sur des sites web pour adultes, ce qui est contraire aux politiques d'Amazon. Amazon n'aime pas, par exemple, ça. Genre, aller copier genre, vos liens et les coller genre, sur d'autres sites, ça ne marche pas. Amazon n'aime pas ça. Ils vont en fait tout simplement bloquer votre compte. Tout simplement. Donc, si vous mettez en fait en pratique ces surveillances-là, continue, je pense que vous n'allez pas tomber dans ces petits pièges-là. Et vraiment, la surveillance continue en fait va vous permettre de maximiser vraiment vos revenus tout en maintenant une relation solide quand même avec Amazon hein, en tant que e-commerçant. Maintenant, quand nous allons maintenant passer à notre point 14, parce que je vous ai dit tout le reste, c'est des extras. Au point 14 qui est l'interaction avec l'audience. Ça, c'est très important. Nous allons finir par le point 14 là, 14 et 15. l'interaction avec l'audience. Ici, on va apprendre à engager avec votre audience. Comment répondre aux commentaires, questions et établir en fait une communauté fidèle. Parce que une communauté fidèle, c'est une communauté qui va revenir en fait à chaque fois pour pouvoir acheter vos produits, les produits que vous allez proposer. Et c'est ça qui va faire que vous serez constant dans la vente de vos produits. Vous n'aurez pas en fait besoin d'aller chercher genre différents clients à chaque fois. Non, c'est très difficile. Lorsque vous arrivez à attraper quelqu'un, maintenez-le pendant des années. Et c'est ça qui va en fait vraiment que vous serez un e-commerçant assez rentable. Ouais, donc l'engagement en fait que vous allez créer avec votre audience, c'est vraiment une expérience positive en fait pour les utilisateurs. Oui, ça va vraiment encourager leur participation à tout ce que vous allez mener comme activité. Que ce soit juste un article que vous avez rédigé pour informer j'en suis une nouvelle gamme de produits, un truc informatif simplement, ou bien même si c'est une vente, ça va vraiment les engager et puis ça va encourager leur participation à tout ce que vous faites comme activité sur votre site ou bien sur votre page, votre blog, tout ce que vous voulez. Un exemple, si vous répondez rapidement aux commentaires j'en suis vos sites, ça va encourager davantage en fait les discussions. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre, cette importance là de l'interaction en fait avec les visiteurs sur vos sites ou bien sur vos canaux sociaux, tout simplement. Et quand nous allons maintenant parler de la création d'une communauté pour établissement de la confiance, vous allez savoir que lorsque vous avez une communauté engagée, elle est plus susceptible en fait de vous suivre, genre de suivre en fait vos recommandations et d'acheter via vos liens. C'est ce qu'une communauté engagée peut vous aider à faire ça. Donc c'est l'objectif d'abord lorsque vous commencez en fait l'e-commerce. Ouais, depuis qu'on a commencé là, c'est ici qu'il y a la réponse à comment commencer à vendre. Vous devez vous bâtir une communauté engagée. Tout ce qu'on a dit en gros, c'est du blabla jusqu'ici. C'est ici en fait qu'il y a la vraie réponse. Si tu n'écoutes pas jusqu'ici, tu n'auras jamais la réponse. Vous devez d'abord au début créer une communauté engagée. Et ça passe par plusieurs choses que nous avons décrites dans la généralité. Vous voyez, donc il n'y a rien qui est inutile. Tout est interlié. Tout est interlié. Et donc, tout engagement-là, ça va créer une expérience vraiment positive pour les utilisateurs. Ça va vraiment encourager aussi leur participation, comme j'étais en train de le dire. C'est vraiment ça que c'est important, l'interaction avec vos visiteurs. Lorsque, par exemple, vous organisez un forum en ligne pour des amateurs, par exemple, de fitness. Vous créez un forum en ligne pour des amateurs de fitness. Là, vous allez créer une communauté. Et donc, on crée aussi une communauté où les membres partagent leur expérience et achète des produits recommandés. C'est bien pour vous. Parce que ça vous aide en fait à apprendre à développer une communauté vraiment autour de votre niche. Comment? Parce qu'une communauté qui est vraiment engagée, elle est susceptible genre, de suivre vos recommandations. Je le dis encore une fois. Parce que lorsque vous avez créé une communauté engagée et que vous allez recommander des produits, forcément, ils vont vous suivre. Si elle est vraiment engagée, je précise, j'arrive toujours engagée, elle va vous suivre. Donc, voilà un peu. Par rapport au module numéro 15 qui est l'évolutivité, module 14 ou 15, je ne sais plus, qui est l'évolutivité, ici, vous allez vraiment tout simplement découvrir quelques stratégies pour augmenter votre trafic au fil du temps et vraiment explorer si éventuellement une niche ne vous marche pas, comment vous allez faire quand même pour choisir une nouvelle niche ou catégorie de produits. Voilà un peu. Donc ici, par rapport quand même aux stratégies pour augmenter le trafic, vous devez savoir que plus de trafic signifie plus de chances de conversion de vente, c'est-à-dire plus de ventes. Genre, c'est-à-dire plus votre publicité touche du monde, plus vous avez des chances de faire des ventes, c'est tout. Et donc si vous optimisez votre contenu pour le référencement SEO et vous utilisez en fait des techniques de marketing pour attirer un public large, c'est gagné. Lorsque vous voulez explorer de nouvelles niches, par exemple, pour de nouvelles catégories de produits, vous devez comprendre comment diversifier en fait vos activités. Est-ce que vous allez carrément laisser cette niche-là dans laquelle vous étiez qui ne marche pas Ça, c'est une question vraiment assez personnelle que vous devez vous poser. Et donc, par rapport à ça, vous devez vraiment explorer de nouvelles niches pour pouvoir en fait élargir vos opportunités de revenus. Et ça, c'est lorsque, bon, vous remarquez que vous, soit vous faites déjà assez de revenus, genre sur une niche, et puis vous avez envie d'avoir plus, vous allez sur d'autres niches, ou bien carrément ça ne marche pas, vous voulez explorer de nouvelles choses, c'est possible, c'est bien possible. Mais il faudra reprendre tout le travail du début, ce qui est assez important. Et donc, si vous avez construit une expertise quand même en matière de fitness, mais que vous décidez par exemple d'explorer la niche des produits pour animaux et compagnie, et à commencer à promouvoir des liens pour animaux. Parce que je ne sais pas trop si je me fais comprendre. En fait, on est en train de vouloir voir comment diversifier en fait votre activité. Est-ce que c'est parce que ça marche déjà bien? Est-ce que c'est parce que ça ne marche pas? Donc voilà un peu. Donc voilà les exemples que je donnais. Je disais, genre, en mode, vous avez commencé dans le fitness. Vous avez, genre, disons que vous êtes déjà un expert en e-commerce, genre, en fitness. Ça vous marche bien. Mais que voilà, vous pouvez maintenant décider, genre, de vous lancer dans. De vous lancer ou bien d'explorer la niche de produits pour animaux. Oui, donc voilà. C'est pas interdit, mais ça ne sera du tout pas sur le même site et tout. Donc voilà. Nous sommes à la fin de notre. De tous nos échanges. C'est la fin, c'est tout le processus en fait de l'e-commerce. C'est tout, du début à la fin. Vous voyez, il y a énormément d'informations, énormément de valeurs. Et si on doit prendre chaque point, on pourrait passer des jours, des journées en fait là-dessus. Vous voyez, c'est en ça en fait que c'est passionnant. Oui. Discuter de l'e-commerce, c'est rapide. Mais c'est se mettre en fait à faire en fait ce qui est dit, ce qui est demandé. C'est ça qui devient un peu plus long, plus complexe. J'espère quand même que vous avez apprécié ma voix, vous avez apprécié les échanges, vous avez appris, vous avez découvert de nouvelles choses, vous avez gardé certaines choses, même si tout ne viendra pas d'un coup, c'est à force d'écouter, de réécouter, que certaines choses vont vous rester, certaines choses, vous allez bien les cerner, vous allez bien vous les approprier. J'espère quand même que ce fut quand même très intéressant. C'est quand même un plaisir pour moi de partager ce peu de savoir, ce peu de connaissances-là que j'ai avec vous. Et voilà, la suite ne sera que pour la pratique. Pas d'extra. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extra. Si vous voulez des trucs en SEO, bon, vous pouvez quand même faire quelques recherches en SEO, même si ce n'est pas forcément important d'être un expert dans tout ce qui est activité connaisse ou e-commerce quand même. Vous avez quand même le devoir, genre, de vous documenter un peu. Donc voilà. Du courage quand même à vous et puis du courage vraiment pour la suite. C'est pas facile. Dès le début, c'est un peu difficile, surtout avec tout le volume d'informations que vous venez d'avoir, il est difficile vraiment de savoir par où commencer. Et donc, c'est vraiment lorsque vous allez commencer que vous allez commencer à déjà à jouer, à voir que voilà, c'est step by step. Et puis, voilà, c'est vraiment, ce fut un plaisir pour moi de partager en fait ces heures d'échange avec vous. Des heures d'échange que vous allez mettre en pratique sur des jours, des mois, voire même des années. Donc, prenez bien soin de tous ces podcasts. Ce fut un plaisir. C'était Amen Jisrael.